On va parler d'NCAA et de la NFL avec notre ami Hugues Fauché. Salut! Salut Denis, ça va bien? Ça va bien, ça va bien, Hugues. On va commencer d'abord par la NCAA. C'était la grosse fin de semaine de la NCAA. Quelle déception, à part la finale du Big 12. Le Oui. reste, ça a carrément été sur. Ça nous a laissé sur notre appétit. Oui, c'était pas une grande fin de semaine de football. Par contre, c'est historique parce que, comme on en parle depuis le début de l'année, on en a beaucoup parlé, nous deux, là, c'est que s'il y avait une année où une équipe du Group of Five avait une chance de percer pour les séries, c'était cette année avec Cincinnati. Ouais. Ils remplissaient tous les critères. Puis écoute, c'est gros, là. Les gens doivent réaliser qu'une équipe comme Cincinnati, dans Fait pas partie du les... Power 5, donc Non, non, non, non, pour non. les gens qui savent pas c'est quoi le Power 5, faut le répéter, parce que c'est des 5 divisions. Une équipe qui fait pas partie des 5 grosses divisions, qui est la SEC, ACC, Big 12, Big 10 et Pac-12. C'est Exact. ça. Donc, tu as une cinquantaine Ouais. d'équipes dans ces cinq divisions-là. Cincinnati n'en fait pas partie, donc c'est un petit programme universitaire, même s'ils sont quand même ils commencent à avoir une certaine reconnaissance, mais ils n'ont pas accès aux meilleurs prospects parce qu'on sait que Ah, je savais les pas ça, ouais. prospects Oui, c'est ça, les prospects au niveau universitaire choisissent, il n'y a pas de repêchage, ils choisissent leurs universités. C'est que les prospects 5 étoiles, 4 étoiles, ils vont pas à Cincinnati, ils vont à Alabama, ils vont à Clemson, Ouais. ils vont à Georgia, etc. Mais ils vont pas. Et puis après ça, ils vont dans les autres universités du Power Five. Puis Cincinnati doit se construire des clubs avec pas ce genre de prospects-là. Ils doivent aller chercher plus loin. Et puis, ils ont réussi à monter des équipes fantastiques à cause qu'ils ont un coach qui est excellent, qui est Luke Fickell. Et d'ailleurs, je comprends pas qu'il n'a pas été plus considéré que ça, honnêtement, là, dans le grand carrousel des entraîneurs. Le premier que j'aurais pris, honnêtement, là, dans le carrousel des entraîneurs, dont on avait parlé la semaine passée, le premier que j'aurais pris, c'était Lincoln Riley d'Oklahoma. Je Ouais. pense que c'est le meilleur. Mais moi, mon deuxième, c'est le coach de Cincinnati, là. C'est Fickell. Je trouve que ce gars-là, ces équipes sont bien coachées, sont Ah, disciplinées, regarde, ils jouent du écoute, ce que bon. tu me dis là, c'est Hein? incroyable ce qu'ils ont fait là. C'est Oui. incroyable. Ah oui, c'est. Écoute, oui, puis à l'époque, il y a une autre université. Moi, il y a une seule autre université du Group of Five que j'aurais donné à peu près le même genre de crédit. C'était Boise State dans le Ouais, temps, moi, hein, de ouais. Kellen Moore. Mais le problème, c'est que dans ce temps-là, ils prenaient juste deux équipes. Ça allait directement en finale. Il n'y avait pas de séries éliminatoires. Alors, Boise State, ils ont passé proche certaines années parce qu'honnêtement, ils étaient vraiment Eux forts. jouent dans le WAC, je pense, hein? C'est ça? Dans le mid, C'est excuse-moi, pas le WAC? le ouais, c'est ça, oui, OK. excuse-moi, le nom m'échappe, je veux savoir, le Mountain West Conference. Maintenant, OK. Puis, MAC, la MAC, ouais. c'est ça exactement. Cincinnati joue dans le American Athletic Conference, qui est quand même assez fort. Ils ont Houston, ils ont UCF, qui a eu des bonnes équipes dans les dernières années, ils ont Memphis. C'est une conférence, honnêtement, qui est Coastal quand même. Carolina est pas là non plus, non. Qui? Coastal Carolina? Peut-être, je suis plus Non? sûr, faudrait vérifier. OK. Oui, parce que ça aussi, eux autres aussi ont eu du succès l'année Ah ouais, passée, Coastal Coastal Carolina, Carolina. eux partaient de la deuxième division, c'était encore pire, là. Puis ils ont été Oui, hein. dans le top 25, c'était extraordinaire qu'ils ont fait. Mais même, je pense qu'en début d'année, ils ont été dans le top 25 aussi, là. Oui. Puis ils ont eu une bonne année. Hein. Ils sont dans un bon bowl cette année. C'est juste que ça ne se compare pas à ce que Cincinnati a fait, mais ils ont quand même eu une bonne année, là. Ils ont eu peut-être deux, trois défaites. Mais Cincinnati, cette année, ce qu'ils ont accompli, c'est extraordinaire. Puis ils ont quelques prospects qui vont, dont le demi de coin, c'est le numéro un. J'oublie son nom, je m'excuse là, mais lui, ça va être un choix de première ronde probablement. OK. Le corps arrière aussi va être devrait être choisi Matt assez Carnival, c'est ça? assez. Ouais, lui devrait être choisi assez Top 20? élevé aussi. Ouais, on parle de fin de première ronde dans son cas, à peu près. Ouais, je pense que c'est ça m'apparaît juste, ça m'apparaît correct. Il pourrait peut-être monter, par exemple, ça va dépendre de sa performance aussi Oh durant les séries. Mais écoute, ils vont l'avoir difficile. Le comité a fait les choses de la bonne façon, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont placé Alabama contre Cincinnati. Ils ont évité finalement, c'est un peu ce que je t'avais dit la semaine passée. D'après moi, si jamais Alabama gagne, ils vont inverser. Ils vont mettre Alabama moi, j'étais premier puis sûr, moi, Georgia que Michigan troisième. allait tomber deuxième. Michigan allait tomber premier. Par la suite, Alabama allait tomber deux. que Oui. Georgia allait tomber 3, puis Oui. 4, ça allait être Cincinnati. Ça aurait été logique de mettre Ouais. Michigan parce Puis qu'ils étaient déjà devant, ils ont gagné leur conférence. ils ont gagné Mais facilement dans le s'agit. Big Ten aussi. Ils ont gagné encore le match très Oui. facilement dans le Big Ten. C'est pour ça que j'ai dit, j'ai été surpris de voir Alabama monter. Ben. D'habitude, tu montes de 3 rangs. Si Michigan aurait perdu ou aurait gagné difficilement, là, j'aurais Oui. compris. Mais là, hein? Ben, je suis d'accord avec toi, sauf que la façon dont je vois ça, c'est que la NCAA, c'est le comment je peux dire, l'organisme le plus politique qu'il y a pas après le CIO, là, sont vraiment politiques. Je pense qu'ils voulaient pas mettre une revanche tout de suite, Georgia, Alabama, ce qui serait arrivé s'ils avaient donné le premier rang à Michigan. C'est que tu pouvais justifier Alabama en disant ils ont battu la première équipe qui est Georgia, donc leur victoire est peut-être encore plus impressionnante parce qu'ils ont battu une meilleure équipe. Ils ont eu une cédule plus difficile que Michigan parce qu'ils sont dans le SEC. C'est que peut-être, tu sais, ils se sont justifiés là-dessus. Mais honnêtement, ça aurait été, je suis d'accord avec toi, ça aurait été plus logique s'ils avaient voulu le faire, là, de mettre Michigan premier parce que Michigan était déjà deuxième, puis ils ont gagné, puis comme tu dis, ils ont écrasé. Bien gros. Ouais, ils ont gagné facilement contre une bonne équipe d'Iowa. C'est que, tu sais, il n'y avait pas de raison, mais il reste que les demi-finales. Moi, je trouve que Michigan, Georgia et puis Alabama, Cincinnati, c'est très intéressant. Michigan, Georgia, entre autres, m'a dit, je parierai pas ma maison sur ce Ben, c'est-tu le match-là. vrai bowl? C'est-tu le vrai bowl, ça? Le vrai Bah, championnat oui. national? Le vrai championnat national, il joue tout le 31 de. Ben, Oui. c'est Ouais. une bonne question. Ben, je pense qu'Alabama est fort. Je veux pas manquer de respect, mais j'ai l'impression que le match Georgia-Michigan, moi, ça va être de tous les bowls, le match qui m'intéresse le plus, honnêtement, là. La ligne défensive de Michigan est hallucinante. celle de Georgia aussi. C'est deux grosses défenses, c'est des bonnes attaques, ça va être le fun à regarder. Mais écoute, j'ai regardé la cédule des bowls, Danny, parce qu'on a toute la cédule des bowls. Puis je te dirais, j'ai déjà hâte à ça. J'espère que je vais tout pouvoir les voir en live. Des fois, il faut les enregistrer parce qu'on a des activités dans le temps des fêtes. Mais le 29 décembre, on a notre premier gros bowl. C'est le Alamo Bowl, c'est Oregon contre Oklahoma. Donc ça, c'est déjà un match. Oregon qui a perdu. Oregon qui était en série, hein, juste pour dire aux gens, là, Oregon était classé. C'est juste qu'ils ont perdu deux fois contre Utah au cours des dernières semaines, les 3 dernières semaines. Je pense que ça les a sortis des séries, mais c'est une équipe qui est forte. Puis Oklahoma, d'habitude, ils ont leur abonnement quasiment dans les éliminatoires, mais là, cette année, ça a été moins bien. Le 30, on va continuer ça. Puis ça, c'est à 9h15. Le Alamo Bowl, c'est à 9h15 sur ESPN, le 29. Le 30 décembre, parce que les bowls, en fait, commencent bien avant ça, mais Ben, c'est le 17, des je petits pense, bowls. c'est le 17 décembre le premier bowl. C'est des petits bowls, c'est Oui, des puis. bowls de moins de 1 million peut-être de bourse. Oui. Exact, c'est ça exactement. C'est des petits bowls. Il y en a quelques-uns qui sont quand même intéressants. Mais le vrai premier bowl, là, le vrai point de départ, là, des gros C'est bowls, après c'est le Noël. 29. Ouais, c'est Ouais, après le Noël. 29, là, c'est, comme je t'ai dit, là, il y a quelques bons matchs. On a Clemson, Iowa State, mais Oregon, Oklahoma, c'est les deux premières grosses pointures qui vont s'affronter. Le lendemain, tu vas avoir Michigan State, qui a failli faire la finale du Big Ten. Ils ont passé très Avec proche 23 contre buts de 3. Pittsburgh. Oui, contre Pittsburgh qui a perdu, excuse-moi, qui a gagné la finale du ACC. Donc ça aussi, c'est deux grosses pointures. Puis là, évidemment, le 31, on a les deux demi-finales. Puis on va avoir également Wake Forest, le perdant en finale du ACC contre Texas A&M, qui est un autre très bon programme. Et là, ça part, là. T'sais, on va avoir le 1er janvier. Le Écoute, j'ai 44 pas. bowls. 44 bowls. Est-ce que c'est trop? Moi, je trouve que c'est trop. Tu réduirais ça de moitié, Aussi. ce serait facile. Hey. Sauf Ah qu'à quelque oui. part, il faut comprendre que c'est des commanditaires qui gèrent ça. Hey, Ah je oui, veux non, te. mais juste pour Ouais. te dire, Danny, il y a tellement de bowls que 44. normalement, pour être bowl eligible, juste pour que les gens comprennent, il faut que tu aies 6 victoires dans ta saison. Ce OK. qui, au football collégial, dans l'NCAA, ça équivaut à jouer pour 500. Parce que, tu sais, tu as 12 ou 13 matchs à peu près, là. C'est que, normalement, quand tu as 6 victoires, tu es une équipe de 500, ben, ils sont obligés de relaxer le critère parce qu'il y a tellement de bowls qu'ils sont pas capables de trouver assez d'équipes qui ont une fiche de. J'aurais voulu lui parler Fait que les que. Hurricanes de Oui. Miami ont un nouvel entraîneur, mais ça, on en reparlera peut-être une autre fois parce que ça va pas OK. bien. T'sais, quand j'étais jeune, t'avais les Gators de la Floride, les équipes en Floride étaient performantes. Les Hurricanes, les Seminoles Florida State, les Gators de la Floride. Puis là, à ce temps, il n'y a plus rien de ça. On va peut-être en reparler pour une autre chronique la semaine prochaine. Je OK. veux te parler de Georgia. Je veux revenir sur Georgia-Alabama. Est-ce que Georgia, c'était un mauvais match dans le système? Ou encore, c'est l'adversité. Ils n'ont pas eu beaucoup d'adversité, Georgia, durant la saison. Puis là, ils ont frappé vraiment Non, un adversaire vraiment colossal. Eux jouent dans la SEC, Oui. SEC Est, et Alabama est dans la SEC Ouest. Et les équipes dans la SEC Ouest sont plus fortes, je pense. Oui, et puis effectivement, et moi je te dirais, je ne sais pas si oui, ils ont eu un mauvais match, ça c'est clair, OK. mais je pense que comment je peux dire, je pense que la position de corps arrière a fait une grosse différence dans ce Bryson qui s'est match-là. touché du Iceman, hein? Oui, non, oui. Je pense que Bryce Young, là, je pense que le débat est pas mal réglé. D'après moi, il va gagner, puis il le mérite. Il est vraiment bon, le kid. Puis c'est Première sûr année. que de l'autre côté. Oui, imagine, hein? Puis de l'autre côté, la position Stetson Bennett est pas d'escalibre là, d'après moi, là, avec beaucoup de respect. C'est que je pense que ça s'est. Je pense qu'en grande partie, ça s'est joué là. C'est deux bonnes équipes. Je pense que Georgia est aussi forte, mais je pense que. Peut-être le coaching de Saban, puis la position de corps arrière ont fait, selon moi, la différence. Puis, je veux juste dire, la ligne à l'attaque d'Alabama a connu une méchante grosse journée au bureau. La ligne défensive de Georgia a été complètement neutralisée, puis eux, ils ont besoin, c'est leur force. S'ils sont pas capables de mettre une pression à quatre joueurs, et cette défensive-là est pas aussi efficace, parce qu'on l'a vu dans ce match-là, les demi défensifs ont été un petit peu exposés. D'habitude, ils sont pas parce que Georgia met une pression à quatre joueurs puis ils sont dans le visage du corps arrière en 2 secondes, 3 secondes. Il y a tout le temps quelqu'un qui arrive puis le pauvre corps arrière court pour sa vie. Mais là, c'est pas ça qui est arrivé. Ils ont ouvert des brèches pour le jeu au sol. Ils ont contenu la ligne défensive. Mais pour moi, ça a été la grande différence. Si la ligne à l'attaque d'Alabama joue aussi bien contre Georgia durant les éliminatoires, je pense que l'Alabama pourrait avoir une chance de regagner. Mais si la ligne défensive de Georgia là, a la fierté qu'on pense qu'elle a, peut-être qu'à ce moment-là, c'est là que ça va jouer, d'après moi. Le match-up le plus important, c'est au niveau des lignes de mêlée, puis c'est la ligne défensive de Georgia. Parce que comme je te dis, toute l'année, ils ont mis une pression à quatre joueurs. Ils n'ont pas besoin de blitzer pour mettre de la pression sur le corps arrière. Ils sont capables de la faire uniquement avec leurs quatre joueurs de ligne. Mais là, c'est la première fois que ça n'a pas fonctionné, puis ils ont perdu le match. OK. Rapidement, on va parler de la NFL maintenant. Avant de parler du match des Pats hier, Big Ben ou Bradshaw comme le meilleur corps de l'histoire des Steelers? Oh! Parce qu'il va prendre sa retraite Ouais, peut-être à la c'est fin de parce que l'année, oui, Big puis Ben, hein? tu sais, tout le monde dit Bradshaw, Bradshaw, Bradshaw. Et avec raison, là. Je dis Oui, pas que oui. Bradshaw, écoute, je regarde. C'est du football différent, terrain Oui. différent. J'ai regardé les statistiques de Bradshaw puis de. Puis de Big Big Ben, Ben. mais c'est même pas comparable. C'est sûr qu'on peut pas comparer. Encore là, on peut pas comparer. Right. Bradshaw 4 Super Bowl, Big Ben en a deux. Par contre, Oui. Big Ben, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était aussi fort que les Pats? Les Steelers ont souvent eu les Pats de. Oui. Contre. Moi, je dirais Big Ben. Ça va Big Ben peut-être surprendre avant bien du Bradshaw, monde. là, tu Oui. vas surprendre du monde, là. Oui, mais c'est parce que, c'est sûr, regarde, Bradshaw il a une super belle carrière, mais faut T'avais qu'il tienne Starward, compte de l'équipe. Oui. t'avais Franco Harris, les Steelers avaient Ouais. Jerome Bettis par contre, tu vas me dire, là, Oui. mais je pense que Harris est Ah, supérieur mais. à. T'avais Oui. Lynn Swann, t'avais Oui. Starward, t'avais. Oui. Oui. Les années des Steelers, c'est plus avec Big Ben, c'est plus sur défensive, hein, je pense. Oui. Puis, ben, écoute, à l'époque de Bradshaw, les Steelers avaient la meilleure défense de la ligue. Ouais. Ils avaient le meilleur attaque au sol, probablement, meilleure ligne à l'attaque, puis les deux meilleurs, le meilleur duo de receveurs, probablement de la ligue aussi, avec Swan puis Starward. C'est sûr que t'enlèves rien à Bradshaw, mais c'était un bon corps, il était clutch, il produisait quand c'était le temps, mais Ouais. il était tellement bien entouré, sans rien y enlever, mais c'est vrai que je pense pas que Big Ben avait ce type d'entourage-là. C'est que je sais pas, j'aurais plus puis en plus, Bradshaw a été coaché par Chuck Knoll. Big Ben, il y a eu des bons coachs, mais peut-être pas. Je sais pas, j'aurais C'est une tendance bonne peut-être, question, mais hein? c'est C'est pas si serré. serré que ça, par contre. C'est pas si. C'est plus serré que. Tout le monde dit Oui. Bradshaw. J'ai posé la question sur les médias sociaux. Tout le monde dit Mmh. Bradshaw. Sauf que je suis Oui, pas prêt à à donner. cause des victoires. Pas prêt à donner si facilement la victoire à Non. Bradshaw, moi. Moi non plus, parce que je pense que c'était beaucoup une question de l'équipe autour de lui. Mais écoute, c'est vraiment une bonne question. Honnêtement, ça me prend par surprise. Puis là, j'ai dit Big Ben, mais c'est pas dit que je changerais pas d'idée, parce Ouais. que au gré des arguments, c'est vraiment serré. Mais moi, je suis vraiment de l'école que Puis t'avais pas une équipe Bradshaw comme était les tellement bien Pats, entouré. t'avais pas les Pats quand les Pats. Non. Leur gros adversaire, c'était les Raiders, qui avaient quand même une bonne équipe. Ouais. Mais les Raiders étaient forts, mais non, t'avais pas les Pats, ça c'est clair. Puis je veux dire, le pauvre Ben, il était obligé d'être dans la même conférence que les Pats, puis que les équipes de Peyton Manning aussi, le Broncos Colts. Et comment C'est que Big ça Ben a faisait, joué tu sais. blessé? Je sais pas Oui. Bradshaw, je sais pas comment Big Ben, on l'a très bien connu. Bradshaw, je sais pas s'il était aussi dur pour son corps, mais Big Ben était dur pour son corps, incroyable. Tu sais, Absolument, tout à c'est fait. pas si. C'est plus Non. serré qu'on pense. Moi, en tout cas, pour Oui. ma part, là. Ben, oui, moi aussi, honnêtement, oui. Bradshaw était très constant, par exemple, dans le rush de Super Bowl. Big Ben, est-ce que Big Ben aurait été capable d'être aussi constant? Moi, je pense qu'il avait donné cette ligne à l'attaque-là, ce jeu au sol-là, cette défensive-là que Bradshaw avait. J'ai l'impression qu'il n'aurait pas fait moins bien que. Parce qu'écoute, c'était vraiment une équipe, là. Encore là, Les c'est pas le Steelers même de l'époque. football, tu sais. Non. Non, C'est mais Big Ben aurait été bon pour ce genre de football-là, par exemple. tu. Parce que c'est un gros bonhomme capable de courir. OK. Tu sais, ben, là, moins maintenant, mais quand il était plus jeune, Big Ben, Ah ouais. il Ah amenait aussi une dimension. Il était tough. Tu sais, c'est ouais. un gars. Je l'aurais vu, moi, jouer dans les. Puis, on s'entend que c'est pas un gars qui s'est tué à l'entraînement, à ses haltères. Donc, il aurait fité. C'est pas les méthodes d'entraînement d'aujourd'hui qui l'ont rendu fort comme ça, c'est parce qu'il est comme ça naturel, Big Ben. OK. Maintenant, on va y aller avec Oui. le match décevant hier. Ben, je suis content, mais parce que notre équipe a Oui. gagné, sauf que match décevant, mais faut mettre la faute sur le vent. 60 km à l'heure hier des vents. Oui. Ça, c'est Écoute, c'est clair. Oui. ça Je poussait dis, avec Danny, là. probablement même plus que ça encore. Pour les botteurs, ça devait être difficile. Mac Jones, 3 passes Oui. seulement tentées. Oui, Les ça, Bills c'est ne l'autre se élément. rendront pas au Super Bowl. Je vais te dire pourquoi. Ils sont pas capables d'arrêter l'attaque au sol. Je pense que les Pats viennent de montrer un bel exemple pourquoi les Bills sont pas là. Hey, tu m'amènes sur une piste, là. J'ai entendu deux choses aujourd'hui que j'ai trouvées très drôles. Ouais. Effectivement, je suis d'accord avec ton raisonnement. Puis, je veux dire, je comprends pas qu'une équipe qui joue à Buffalo, dans le nord-est américain, avec des températures comme ça, soit construite aussi mal pour jouer dans ce genre de température-là. Tu sais, ils ont une équipe de dôme, quasiment, les Bills, là. C'est une équipe qui passe le ballon en fou, puis ils sont capables d'arrêter de jouer au sol, puis ils sont capables de courir. Tu sais, tu regardes ça, puis tu te dis, OK, mais tu sais qu'en décembre, il va faire froid, tu sais que ça va revenir à du jeu au sol, puis construire Et une c'est la équipe, force des c'est... Pats. Encore une Ouais. fois, on vante les Pats. Mais coudonc, si tu veux, je te dis, c'est ça qui est avéré. Novembre, Ah décembre, sous ben. Bill Belichick, les Pats, c'est là qu'ils jouent Oui. leur meilleur football. Regarde Oui, puis depuis. Ouais. oui. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi. Et regarde, les Pats, là, c'est pas compliqué. La façon que ça s'est passé là, cette année, c'est que tu avais un paquet de nouveaux joueurs. Tu avais des gars qui connaissaient pas le système. Belichick le dit souvent, ça donnait rien de mettre des plans de match compliqués sur un tableau tant que les fondamentaux puis l'effort est pas là. Tu sais, tant que les fondamentaux, tant que tu plaques pas, que tu bloques pas bien, que tu fais pas des bons tracés de passe, que t'es pas capable de jouer une bonne défensive de base, il mettra pas des plans de match. Avec les 5, 6 premières semaines, ils ont été mis à une extension du camp d'entraînement, là. Et on voyait, là, les plans de match, c'était pas fort, c'était pas l'équipe, mais je veux dire, tu sais, quand tu t'échappes le ballon, quand tu joues pas bien, il fallait installer ça, puis depuis, je te dirais, ben depuis leur début de la série de victoires, le premier match contre les Jets, là, ils sont passés à l'étape suivante, ils sont en mode game plan, ils font des préparations plus spécifiques, puis depuis ce temps-là, ils jouent du gros football, puis honnêtement, on n'a pas le choix d'en parler, c'est l'équipe la plus haute dans la NFL actuellement, là. Ah, Fait que là, ils viennent de battre Buffalo à Buffalo. ouais. Peu importe les conditions, mais en sac, ils ont battu une équipe que plusieurs leur considèrent supérieure, les Bills, qui est effectivement une bonne équipe. Puis moi, Les Bills sont pas si j'étais sortis du bois, hein. Ils sont même pas. Non. Tout le monde les voyait au Super Bowl, puis il va te dire en affaire, ils sont même pas sûrs de faire les séries. Je Non, regarde à l'heure effectivement. actuelle, là, ils vont jouer Oui. contre les Buccaneers Tampa Bay, oui. à Tampa Bay, ça sera pas facile. Il faut pas qu'ils perdent celle-là en plus, parce que là, ils vont Après vraiment être ça, dans le trou. il Oui. y a 5 matchs à jouer, je pense qu'ils peuvent ils vont en chercher 3, mais ça va être suffisant. Oui. Probablement pour faire les séries, mais oublie ça pour le meilleur de. Ils n'auront pas leur Non. bail alors que tout le monde les voyait, les experts, les voyaient les seuls dans l'américaine. Moi, je pense que c'est Kansas City est en train Écoute. de se replacer, puis l'autre équipe, c'est les Pats. Encore une fois, nos Pats. Ah oui. Puis écoute, si jamais les Bills perdent les Mais Bucks, vive, ouais. ils vont se retrouver à 7-5. Ça veut dire qu'ils vont être 2 matchs derrière les Patriots. Ouais. Et là, le chemin va être long. Ça veut dire que le chemin va être long pour aller chercher le championnat de la division, on s'entend. Parce que là, 2 matchs en arrière, puis les Pats, après le match contre Buffalo, il restera pas. Il va rester les Jaguars puis les Dolphins. C'est que, tu sais, il faut, c'est quasiment un must-win pour les Bills contre Tampa Bay. Puis aller gagner à Tampa Bay, c'est jamais facile. Je pense que les Buccaneers n'ont pas perdu encore à Tampa Bay cette Alors. année. Alors, ils se sont mis dans une bien mauvaise position. C'est dommage parce que c'est une très, très bonne équipe de football, honnêtement, Mais là. t'as touché un bon point, par exemple, que au moins ton équipe est pas est une équipe bâtie pour un dôme. Ouais, T'as je vraiment comprends pas. touché vraiment un bon point là, que j'avais pas pensé là. Ben, puis sais-tu quoi? Il y a des partisans de Buffalo, c'est ça que je voyais aujourd'hui de plus en plus, qui mettent de la pression pour qu'ils construisent un dôme à Buffalo. Puis là, t'es comme, ben non, ben c'est parce que pourquoi vous n'avez pas à place construire votre équipe pour être capable de jouer dehors? T'sais? Surtout que tu as un corps arrière qui est un dual threat, qui est capable de courir, qui lui Puis, tu sais, dans le temps pourrait. de Jim Kelly, t'avais Thurman Oui. Thomas, Oui. t'avais Mais Bruce c'est ça qui Smith est en capable de courir. défensive, Oui. t'avais Bruce Smith, t'avais l'autre Cornelius Bennett, c'était des gens qui étaient Oui, capables d'arrêter l'attaque au sol, là, puis ce qui était puis là, ils n'ont cool. pas ça cette année. Ouais. Ils sont prêts d'arrêter de jouer. Écoute, à un moment donné, il n'y avait même pas de menace que les Patriots passaient le ballon. C'était uniquement de la course. Et on sait qu'ils ont fait 3 passes dans le match. Puis, même à ça, les Bills en arrachaient. Ben, écoute, ils n'ont pas arrêté. En deuxième demi, et Stevenson leur est passé dessus. C'était pas très subtil. Tu savais où qui était pour avoir le ballon. Tu savais ce qui s'en venait, puis ils n'étaient pas capables de l'arrêter. C'est qu'il va falloir qu'ils. Dans la prochaine saison morte, leur travail à eux, ça va être de se trouver une ligne défensive beaucoup plus compétitive. Puis, Est-ce que juste pour te McVie dire va aussi. sauter si les Bills sont. Mettons, faut pas une série. Je pense pas, mais parce qu'il a quand même fait un bon travail. Mais moi, je te dirais, si j'étais un fan des Bills, je serais inquiet pour une chose. Le McDermott, c'est un bon coach, mais son défaut, c'est qu'à chaque fois que les Bills jouent contre les Patriots, il semble, tu le regarderas sur les lignes de côté, là, si tu y portes attention, Les il se tape passes des lui ont coches déjà à chaque rentré dans la fois. tête, c'est ça? Ah, pas rien qu'un peu. Il devient émotif et sa réaction après le match en dit long, c'est-à-dire que sa première réaction qui était de dire de ne pas donner du crédit à Belichick parce que c'est eux autres qui se sont battus eux autres mêmes. Là, tu dis, pourquoi tu dis ça? Tu sais, tu viens de perdre le match. Puis t'es tellement fâché que la première chose que tu essaies de faire, c'est de pas donner de crédit à ton adversaire parce que t'es haï trop. Ça, c'est pas une bonne chose pour un. C'est pas une bonne façon. Puis j'ai l'impression que dans les matchs, hier, à un moment donné, ben écoute, quand il a fait son challenge pour une faufilade du corps, tout le monde savait qu'il serait pas capable de gagner ce challenge-là. C'est impossible. Tu gaspilles un temps d'arrêt pour rien, puis il va peut-être te servir plus tard. Tu sais, il a pris des mauvaises décisions pendant le match parce qu'il était. Puis l'autre chose, je vais te poser une question. T'as un corps qui est bon pour courir avec le ballon, qui est Josh Allen, OK? C'est sûr que tu veux pas qu'il se fasse blesser, mais dans un match comme hier, pourquoi t'as pas fait du read option? Pourquoi t'as pas fait des courses planifiées de ton corps arrière? Pourquoi t'as pas essayé de l'impliquer dans le jeu au sol au lieu de faire lancer le ballon 30 fois dans des C'est pas un conditions match, climatiques qui c'était pas un permettaient. match pour lancer 30 fois le ballon. C'était un match au jeu au Non, sol. non, non, non. Ouais. Clairement, Belichick, au bord, l'a lancé 3 fois. Lui, il l'a lancé 30 fois. Tu sais, moi, hier, c'est la seule fois où je me suis dit, pendant un match, là, peut-être que s'il n'avait pas coupé Cam Newton dans ce genre de match-là, il aurait peut-être utilisé. Parce que un corps qui court dans ce genre de température-là, ça te permet de faire du read option, ça te permet d'avoir une coupe de course planifiée du corps. C'est pas mauvais, ça Mais peut remarque, aider. j'étais un de ceux qui était disait que c'était trop de bonheur, puis finalement, quelle décision encore. C'est pas pour rien que Belichick est Oui. le meilleur entraîneur de l'histoire, tout sport confondu. Et Oui. l'autre, et moi, chez nous, dans mon salon, Ouais. Ça, c'est souvent arrivé dans Ah, mais mon c'est le cours fun aussi avec aussi. Belichick. Oui, un gros gros merci. On Juste s'en une, peut-être. parle. Oui, tu voulais continuer, Attends, mais. juste une dernière affaire. Oui, juste une dernière chose. Le match de la fin de semaine, en fait, c'était probablement Baltimore, les Pittsburgh. Hein? Pittsburgh, ouais, T'es en Baltimore. train de l'écouter, justement. Quelle fin de match, écoute, incroyable, où les Steelers ont l'air de gagner le match. Lamar Jackson orchestre une remontée incroyable à la fin du. T'sais, il est vraiment bon. Il s'en vient un bon carrière, Lamar. Hein. Une belle, tu sais, il gère super. Tu sais, au-delà de ses qualités athlétiques, il gère bien le two-minute drill. Il prend toutes les bonnes décisions. Il fait super bien ça. Va marquer le toucher. Et là, John Harbaugh, il va pour un converti de 2 points. Et là, moi, tout le monde, Tony Romo dit, OK, oui, allez, bonne idée. Puis il est content. Moi, je regarde ça. Puis je me dis, ben non, tu fais pas ça. Tu fais pas ça. Non. Vas-y, prends. Puis. Mais après le match, on a appris, parce que John Harbaugh aussi, sérieusement, c'est un travail colossal, là. On a appris qu'il n'y avait presque plus de demi de coin. Et il y a tellement de blessures chez les Ravens. Donc, la décision s'explique quand le coach, dans sa conférence d'après-match, dit, écoute, parce que là, on avait d'autres blessés chez les demi de coin, puis honnêtement, on n'aurait pas tenu le coup s'il avait fallu si on avait perdu le tirage au sort. Donc, on a préféré. Là, la décision s'explique. Mais, écoute, les Steelers rendent pas les armes facilement. C'est la dernière année de Big Ah. Ben, alors je pense qu'ils vont tout faire. Hein? Puis les Ravens m'impressionnent, moi, parce qu'avec le nombre de blessures qu'ils ont, ça aurait été facile d'abandonner, mais pourtant ils continuent de se battre. Puis ils sont pas bien prêts de gagner ce match-là, là. Et les Bengals, quelle équipe énigme. Hein? C'est une énigmatique, les Oui. Bengals. Parce qu'il y a de jeunes joueurs, puis c'est l'eau des jeunes joueurs. Hugues, on va s'en reparler un autre tantôt. Fait que la semaine prochaine, on va parler de la NFL, puis on va parler aussi du trophée Heisman, qui est samedi soir. Brian, un autre carrière, une fois qu'il va le gagner. Fait qu'on Oui, va oui, s'en oui. parler de tout ça. Mais on pourra parler un petit peu plus de la saison incroyable que Bryce Young a eue Ouais, ouais, ouais. quand ça sera confirmé qu'il va avoir le Heisman. Je pense que rendu là, d'après moi, Ouais. c'est plus une formalité que d'autres choses, j'ai l'impression. Ouais. Hugues Fouché, un gros, gros merci au plaisir de se parler. Merci, Notre ami Hugues merci.